Bienvenue dans Experiments sur UFM 106.9 FM comme toujours et ufm.be pour les habitants de Nonmons. Votre émission dédiée aux musiques aventureuses présentée et sélectionnée par Nicodec et votre serviteur Raoul Piouk. Bonjour Nico. Salut. Alors ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est notre nouveau générique. Plus ou moins officiel, il s'agit d'un morceau de Pink Guy, qui est un humoriste youtubeur qui fait aussi des morceaux de rap. Le morceau s'intitule Douchebag, il est assez explicite. On va enchaîner tout de suite avec de la musique un peu moins humoristique, avec Disaster Piece, un extrait de son morceau, un extrait de sa bande originale du film It Follows, film d'horreur excellent que je recommande à tous les amateurs du genre, un film sorti cette année, la bande son aussi chez Milan Records. Disaster Piece, alias Rich Freeland, un musicien qui nous vient de Berkeley. Et juste après ça, ce sera Mind Divided, un musicien flamand cette fois, Paul Verschoten de son vrai nom. Le morceau s'intitule Who Am I et c'est un extrait de son album Lacrimae Rerum, paru chez CRL Studios, le label de James Church, basé à Anchorage, en Alaska. C'est parti, on attaque. very much. Blueberry Munch. Voilà, maintenant nous allons passer Bad Temper Bloody Sun, un titre du groupe Heavy Experience. C'est un groupe de rock électrique islandais. Et il joue de la musique dynamique et sobre avec un mélange de drone, de western spaghetti et de blues. Et ce morceau-là est présent sur un EP du même titre, et qui avait été édité en vinyle 10 inch, mais il n'est plus disponible physiquement. Alors pour vous procurer, vous pouvez aller sur Bandcamp en version digitale. On est parti. We'll be right back. Oh yeah! Experiment. Nous écoutions Zoo avec le morceau Pantocrator sur l'album Cortartodo, sorti sur l'excellent label IPCAC. Alors Zoo, c'est un trio de musique expérimentale originaire de Rome qui est formé depuis 1997. Alors on retrouve des éléments de free jazz et de punk rock sur des tempos inhabituels. Et parmi les musiciens ayant collaboré avec le groupe, on peut citer Mike Patton, Jed Chadbourne, Matt Gustafson ou les groupes comme Dalek, DX et les Ben Vince. Et les musiciens font également d'autres projets à côté, comme le saxophoniste fait le projet Mombu, dont on avait déjà parlé. Maintenant. Yep. Un groupe très impressionnant à voir en live d'ailleurs, Zoo. J'ai eu la chance d'aller voir une fois ou deux. En effet. Ça poutre bien. Alors, on va s'enchaîner avec un morceau de Black Rain, qui est désormais un projet solo. En fait, le seul membre constant en est Stuart Argobright, un musicien basé à New York. Auparavant, Black Rain a fonctionné comme un groupe avec différents membres, notamment le japonais Shinichi Shimokawa. Et ce qu'on va s'écouter ici, c'est le morceau Data River, extrait de leur dernier album en date Darkpool, sorti chez l'excellent label Blackest Ever Black. Juste après ça, ce sera un projet slovène cette fois, Lifecutter, projet solo d'un membre du groupe Unterviabit, qui officie dans une scène plutôt noise rythmique, techno-brutiste, bien méchante. Le morceau s'intitule Medulla, issu de sa nouvelle release Cyclar, son premier album après un premier EP, disponible sur sa page Bandcamp, et également en release physique sous le label Kamisdat. C'est parti! Ou vous êtes un rhétoricien redoutable, ou vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Expérience. Alors maintenant, on va passer à Ishra Kiyun. Donc, c'est un projet, un sous-projet de Secret Chiefs 3, qui n'est autre que le projet du guitariste Tris Puyens, qui était dans Mr. Bungle. Alors, ici, on se retrouve dans ce projet-là avec une approche plus dans la musique orientale. Bon, bah, toi, il y a tout de même des éléments de musique de film, de musique indienne, agrémentés d'effets électroniques et tout ça. Alors, ce morceau s'appelle Spiritus Intelligentiae Jophi sur l'album Perichoris et sur le label de Tris Puyens, Web of Mimicry. Bien, vous avez passé d'ailleurs, il y a un mot ou deux, un autre morceau de Secret Chiefs 3, c'était la reprise de Jacques Brel, la chanson de Jackie. En effet, avec également encore la collaboration de Monsieur Patton, je pense. Et yep, qui était dans Mr. Bungle avec Tris Puyens, leur premier groupe à tous les deux, je crois, le groupe de lycée. En effet. Allez, c'est parti. We'll be right back. n'est-ce pas? Experiment. Voilà, nous écoutions donc Scarcity 2 sur l'album Scarcity, interprété par Arto Lindsay et Pal Nilsson Love sur label PNL, qui est le propre label de Pal. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, Arto Lindsay sera en concert le 30 juillet au Dogbox à Gand. Pour ce qui est de Arto Lindsay, c'est un mec qui a vécu au Brésil de ses 3 ans jusqu'à ses 15 ans. Il a été fort, ses premières découvertes ont été des trucs comme Gal Costa, Os Mutantes, Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Et il déclare par ailleurs avoir connu les chansons des Beatles en portugais avant de connaître les versions originales. Alors son premier... Ouais. Groupe... Désolé, mais il fallait que je la place. C'est cela. Donc son premier groupe important, DNA... connu un vif succès, en particulier grâce à une compilation par Brian Eno sortie à la fin des années 70. Et après, dans les années 90, il a commencé une carrière solo et joué avec des groupes tels que Lounge Lizards, Ambitious Lovers, Jean-François Pauvros, Animal Collective, Laurie Anderson, Bill Frisell ou encore Yuji Sakamoto et bien d'autres. Et pour ce qui est de Pal Nilsson Love, donc c'est un batteur norvégien et... Ah. Oh yeah! C'est pas grave, un petit blanc aujourd'hui. Ouais, ça arrive, ça arrive. Alors, il avait obtenu dans des projets des collaborations avec des musiciens suédois, comme le pianiste Sten Standell et saxophoniste Mats Gustafsson, ainsi qu'avec Joe McPhee, Peter Brotzmann, John Butcher, le groupe Lynn Left, avec Ken Vandermark et guitariste de DX, Andy Moore et Terry Essel. Un méchant palmarès. Assez productif, le Pal Nilsson Love. Clairement. Bon, on va enchaîner quelque chose de antipodes, quelque chose de clairement plus électronique. C'est Kiyoka, une artiste japonaise basée à Berlin depuis quelques années, qui en est à sa deuxième release sous le fameux label Rasternoten, label cofondé par Alvan Otto, un artiste qu'on vous a déjà passé dans cette émission, qui pratique le glitch, une forme de musique électronique basée sur des sondes machine déréglée ou de flux de données informatiques. Et si Kiyoka, elle s'accapare ces influences-là pour les combiner à quelque chose de plus électroacoustique, et elle utilise beaucoup sa voix, notamment sur cet album Is Is Superpowered, sorti en 2014. Le morceau qu'on va s'écouter est un peu le plus sale et le plus musclé de l'album, parce que bon, vous savez que je suis pas un grand amateur de musique doucereuse. Ça s'intitule Piezo Version Vision. Et on va enchaîner avec RRR, qui est le projet solo du Toulousain Sébastien Bach. C'est son vrai nom, il vient de me le confirmer aujourd'hui même. D'ailleurs, il nous écoute, je le salue au passage. Alors, le morceau s'intitule Death Injection. Ça va sortir prochainement sous un label australien qui s'appelle Palinopsia Recordings, mais c'est déjà en pré-écoute, en streaming, sur la page Bandcamp de l'artiste RRR, donc, ce qui signifie Required Rate of Return. Et là, on est dans un registre Arch Noise, Power Electronics. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus du voyage. 1, 2, 1, 2, 3. Barry Burns. Bon voilà, l'entrepreneur vient de bien se passer et il est content que les travaux aient bien été effectués à leur terme. Alors maintenant, on va repasser dans un autre genre de free jazz, donc avec Peter Brotzmann, John Edwards, Steve Noble, avec un morceau qui s'appelle Nail Dogs by Ears sur l'album Soul Food Available, l'album Clean Feed, et enregistré live au Ljubljana Jazz Festival en Slovénie le 6 juillet 2013. Et pour ceux que ça dit, Peter Brotzmann sera en duo avec Steve Noble le 5 octobre au magasin 4. Et donc pour Peter Brotzmann, on peut dire que c'est un saxophoniste et clarinettiste et que c'est l'un des fers de lance du free jazz européen, et son timbre rugueux est facilement reconnaissable à ses nombreux enregistrements. Pour ce qui est de Steve Noble, c'est un personnage clé sur la scène d'improvisation au Royaume-Uni, après avoir joué avec tout le monde à partir de Derek Bailey, Awada Dalio Smith, par l'intermédiaire de Keji Aino et encore de Peter Brotzmann. Une force magistrale à la batterie, Noble a développé un style unique et à la fois musclé et élégant. Et John Edwards, c'est un contrebassiste anglais que l'on retrouve sur plus de 166 albums. C'est également le compagnon de la saxophoniste Caroline Krabbel. Il a joué avec Evan Parker, John Butcher, Sonny Murray, Chris Corsano, Eddie Prévost et encore plein d'autres. Et maintenant, bah, passe à la musique. Oh yeah! Mm-hmm. nous écoutions le morceau, ben, vous avez pu l'entendre, assez long, Christy Alarcky One, sur l'album du même nom, Christy Alarcky, du groupe Ceremonia. Alors, comme vous avez pu l'entendre, c'est une sorte d'acide trempé au crot, rock, au fuzz, avec, bon, certains le disent, des influences de MC5, de Coven et même du début d'Alice Cooper, avec des paroles dans leur finlandais natif. Et ben, vous avez pu l'entendre, une voix étrangement érotique, légèrement robotique, de la chanteuse Noura Federley. Alors, maintenant, et en même temps, je voudrais rappeler la triste perte d'un des fers de lance du free jazz américain, Ornette Coleman, de sa belle mort à 85 ans. Rest in peace. Ben, on va rester dans un registre free jazz, puisque je vais enfin, après 3 mois de cassage de gueule systématique, je sais plus trop pourquoi, je n'arrivais jamais à vous passer cet artiste Colin Stetson, saxophoniste américain installé à Montréal, qui vient de sortir son nouveau disque en duo avec sa compagne Sarah Neufeld, violoniste de son état. L'album s'intitule Never Were The Way She Was, c'est sorti chez Constellation, et le morceau c'est With The Dark Hug Of Time. C'est donc un album entièrement enregistré à base de prises live, saxo, violon, aucun autre instrument, pas de loops, pas d'overdubs, pas trop d'artifices de production, que de la musique pure. Bref, ensuite on enchaînera avec Electric Wizard, un groupe de doom metal britannique, à mes yeux ni plus ni moins que les dignes héritiers de Black Sabbath. Le morceau, ce sera Black Mass, issu de leur album sobrement intitulé Black Masses, sorti en 2010 chez Rise Above Records. Thank you. Experiments. one simple request, and that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Experiments. C'est cela, oui. Bon alors, maintenant on va passer avec Swishaman du groupe Tetema, qui est un nouveau duo mettant en vedette Anthony Pateras et Mike Patton. Leur premier album Geocida est sorti le 8 décembre 2014 sur IPCAC. Pateras est un compositeur pianiste australien qui a publié 18 albums au cours de la dernière décennie sous une variété de surnoms, y compris les bandes Timofta Lane et PVXI. Une paire d'albums solo sur Zadig, une bande sonore de film sur les éditions Mego et un coffret 5 CD détaillant son travail pour les claviers, orchestre et percussions. Et après cela, un morceau assez court aussi de Walter Wiesel, Fred Lundberg Homme et Kevin Drum, tous les trois des musiciens à la production énorme. Donc vous pourrez également voir Wiesel Walter bientôt, qui sera en concert avec Lydia Lunch au magasin 4, ici le 24, je pense. Alors, et le morceau de Wiesel Walter, Lundberg Homme et Drum s'appelle Please Chop Off Your Penis Now. Et comme ces deux morceaux sont très courts, on enchaînera avec un troisième, un titre de Missing Foundation, groupe phare de la musique industrielle old school, un des rares groupes américains d'ailleurs de cette scène qui venait de New York, et le morceau ce sera Burnt Trees, issu de leur deuxième album 1933, Your House Is Mine, sorti en 88. Thank you. Experiments. Alors, pour suivre, nous allons continuer avec Guts of Virgin de Painkiller sur l'album du même nom, sur le label IRH. Alors, c'est un groupe formé à l'origine en 91. Son style peut être décrit comme un mélange de jazz avant-gardiste et de greencore. Et après, plus tard, ils ont également incorporé des éléments d'ambient, de dub. Et les trois principaux membres de ce groupe sont John Zorn au saxophone, Bill Laswell à la basse et Mick Harris, anciennement Napalm Death et membre fondateur de Scorn, à la batterie. Et Mick Harris avait quitté le groupe en 95 et le groupe a alors occasionnellement joué avec Amit Drake ou Tatsuya Yoshida de Ruins. Et après, nous allons suivre avec Elliot Sharp et pour terminer, Sébastien Bizet. Et après ces trois dernières tracks, il sera malheureusement déjà l'heure de nous quitter. Ce fut, comme d'habitude, un plaisir de partager ces deux heures avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Nikodek pour sa sélection et ses interventions. Et on vous retrouve, comme d'habitude, le mois prochain, deuxième dimanche du mois à 16h, sur UFM. Et bonne fête au papa. Yep, fête des pères aujourd'hui. C'est parti. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Experiment.